Guidé par une mère, dans une patrie de merde. Guidé par un sbar, regarde les belles de serre. Guidé par un sauce, guidé par un sexe. Guidé malgré moi, et ça me vexe. Yo, guidé par mes sens, pas guidé par mes fesses. Là dans ma tête, et pas besoin de GPS. Guidé par la plume, de plus en plus souvent. Tout comme guidé par le bitume et par ses habitants. Mais guidé par la team, pas mec qui faisait de la weed. Mais guidé par le king, y'a pas d'amour sur le ring. Guidé par la piste, tu vas toujours dans le lobe. Guidé par le guide, il ne reste plus qu'un approche. Guidé je ne sais où, une boussole de bateau. Guidé par le perfect, et guidé par un foulec. Guidé par le cadeau, un râteau de la mi-femme. Et guidé par les bons mots, un cadeau de la pipa. Guidé par vous bien sûr mes frères, les insoumis la terre, islam et congénères, les révolutionnaires. Guidé par vous mes sœurs, mes insoumises de cœur, avec de vraies valeurs, des âmes sœurs. Mais guidé par la team, comme aiguisé de la weed. Mais guidé par le king, y'a pas d'amour sur le ring. Guidé par la piste, tu vas toujours dans le love. Guidé par le guide, il ne reste plus qu'un approche. Comme aiguisé de la weed. Mais guidé par le king, y'a pas d'amour sur le ring. Guidé par la piste, tu vas toujours dans le love. Guidé par le guide, il ne reste plus qu'un approche.